C'est l'émission rap de référence. 20h-21h, ce soir, Planète Rap Vald. Et c'est parti pour une nouvelle soirée à 24h, même plus maintenant, puisque ceux qui ont précommandé l'album vont l'avoir dans la nuit. Dans la nuit, apparemment, c'est à 1h du matin que ça se libère. C'est à 1h du mat? Il semblerait, ouais. Bon, il va falloir veiller ce soir. C'est fou. C'est fou. Ça va bien, Vald? Ça va bien, mec. Bonjour, bonjour, bonsoir. Aux portes de la sortie. Aux portes de la sortie, ça va, détendu? Dans quel état d'esprit tu es? Ouais, ouais, ça va, tranquille, comme à la maison. Bon. T'es pas un mec à stresser, toi? Ouais, en charentaise, quoi. Non? Un petit peu quand même, où est-ce que tu caches ça derrière ce personnage de Vald? Je sais plus. Je sais plus. Le mec est perdu en fait. Je sais plus. Mm. Bon bah bienvenue pour ce nouveau Planète Rap, quatrième soirée. On va tranquillement donc vers la sortie de NQNT 2 demain pour ceux qui veulent aussi l'objet, hein, ceux qui aiment le support physique, qui aiment bien voir justement. Il me semble même qu'il y a déjà des gens, Ça y est, déjà en rayon. Bon bah dites-nous si vous l'avez déjà avec le hashtag Vald sur Skyrock. C'est en tout cas demain la sortie. On va passer des morceaux ce soir. Est-ce qu'il y aura du live ce soir, Vald? Allez, on se fait encore un live avec Succombe Blagazadé. Il est là. Oui. Tout comme DJ Widim qui est là aussi. DJ Widim. Il est présent, DJ Widim, ou il est comment? Il est posé, hein, ah, DJ Widim. Parce qu'on te parle là. Non, je te laisse finir la sieste. DJ Widim est là. Il marche ce micro là. Ouais, on t'entend. Il y avait que la Sui qui me parlait. Donc, ah bah voilà. Sui Game. NQNT 2. La sacrée équipe est là aussi. Siri. Les images sont dispo sur le skyrock.fm, sur l'application Skyrock. Vald avec nous entre 20 et 21. Tout à l'heure, vous passerez des coups de fil à Vald. Peut-être qu'il décrochera, peut-être pas. Ça dépend de l'humeur du jour. Ça appelle déjà, si tu veux, on décroche tout de suite. Ah, on marque le coup. C'est toi qui sais, c'est pas. Vas-y. Allez, c'est parti. C'est le portable 06 71 74 84 15. La ligne directe pour joindre Vald. Allô, oui, bonsoir. Allô. Allô, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah. Qui êtes-vous? Oui, c'est bien la radio Skyrock. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est pour demander, c'est bien Vald qui est en direct dans Planète Rap. C'est moi qui discute avec toi. Il n'y a pas d'accueil en fait, il n'y a pas de sonnerie EDL. Allô? On l'a pris pour le standard aussi, Vald. Oui, c'est moi là, c'est moi, c'est VLD. C'est en direct quoi, ça y est quoi. Ah, c'est pas Bah ouais, c'est. Oui, c'est moi. Ah, j'en viens pas. Incroyable. Ça alors. Alors qui c'est, Vald? Je te laisse faire, mais qui c'est? Alors comment t'appelles-tu? Alexis. Et d'où viens-tu, Alexis? D'Armentières, en Nord. Oh là là, magnifique. C'est un Alexis féminin ou masculin? Masculin. Alexis masculin. Ouais. Ah ouais? Masculin. Ah, je suis désolé, gros. Un jeune Alexis, peut-être. Donc alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu, Alexis, mon cher? Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'était pour poser une question. Dis-moi tout. C'est pour te poser une question, c'est que tu peux me demander ça fait combien de temps que t'es rentré dans le rap? Ah, combien de temps que tu es dans le rap game, Vald? Excellente question, ça doit faire 6 ans, je crois, à Noël, ça fait 6 ans, ouais. Noël, là, 2015, ouais, ouais. Qui arrive, d'accord. Ouais, quelque donc chose. Donc ça fera 6 ans, 6 ans il que me semble bien, ouais, tu as commencé à écrire, que voilà, tu as commencé à poser. Voilà, voilà. J'étais en direct. Ah bah ma foi, on va se rappeler parce que ça boucle. Ouais voilà, parce que on doit continuer mon gros, mais c'était un plaisir. En tout cas c'est cool d'avoir Alexis d'Armentières à l'instant en ligne avec toi, Vald. Exactement, de l'amour sur toi mec, passe une bonne soirée. Si vous voulez joindre Vald, n'hésitez pas, 06 71 74 84 15, c'est la ligne directe pour Vald. Vous pouvez lui appeler, lui poser des questions. D'avoir combien de temps ça y est maintenant, celle-ci elle est faite, donc on peut passer à une autre question. Et, voilà. Et on débute avec bonjour. Allez vas-y, c'est parti. C'est parti. Allez, salut. Dis bonjour, du coup il s'est fait niquer sa mère. C'est à dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour, mais lui il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui, bonjour madame, je vais te niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour, mais lui il a pas dit bonjour. Le respect se demande pas, le respect se prend. Le respect se perd. Le respect se demande pas, le respect se prend. Arrache-le dès que tu veux. Le respect se perd. mais ne gagne pas. C'est faire le tapin, c'est ton gagne-pain. Mais ferme ta gueule, viens pas t'étonner si on t'aime pas. Si on peut tronquer ta vie contre un potéto ou un tempo, tu vois, t'as pas compris le tempo. Parce que le mec s'est vengé, parce que le mec s'est vengé. Il a dit tout est mort, fils de pute, je vais les manger. Cimetière communal, lui check toutes les pierres tombales. Il lâche de trois croix gammées, lui trouve la tombe à mémé. Il déterre la vieille, le ver l'ont désossé. Donc il régurgite sur les fleurs déposées. Du coup il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui, bonjour madame, je vais niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. En fait l'histoire est plus complexe, c'est-à-dire que le mec a dit wesh, mais il a pas regardé dans les yeux. Les yeux c'est le reflet de l'âme, donc prenons quand tu dis wesh. Faut regarder dans les yeux. Mais le mec a dit wesh, à tes mains ses pieds. C'est là que j'ai oui, je vais niquer la mère de ta mère pour enfin niquer ta mère. La regardant dans les yeux. C'est parti de pas grand chose. Ça rend nos parents chauds. Je ferme une parenthèse. En chantaise. Les histoires vont trop vite, poto. Fais gaffe à toi, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu sors, poto, sors couvert, sors protégé. Pense à tout ce que tu peux, à tes amis, si tu peux te protéger toi-même. Avec des gilets pare-balles, avec des genouillères, avec des coudières, poto. Prends un casque, prends un truc pour protéger ton menton, ta mâchoire, ton pif, poto. T'es dans la merde, sinon. Fais gaffe à ce que tu dis, gros. Fais gaffe à qui tu dis, putain. Le mieux, c'est que tu fermes ta gueule. Et tout se passera comme prévu. Bonjour à l'instant avec Vald, notre invité entre 20 et 21. Et bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Bonne fête de l'Aïd aussi pour ceux qui sont en pleine fête en ce moment. Et j'ai envie de dire aussi, ceux qui sont à l'écoute. Parfaitement. En famille, c'est une émission familiale, on va pouvoir écouter ce soir. Les, en famille. Tu as des valeurs familiales, je veux dire. Ouais. C'est un album, oui, c'est vrai, c'est un album qu'on peut écouter en famille. Hein, c'est, bien sûr, bien c'est sûr. Même conseillé d'ailleurs. Ouais, mais de virer les gosses, c'est mieux. Ah oui, carrément, ouais, donc ouais. De rester que, entre grands. C'est mieux. C'est tu mieux. Le conseilles, c'est-à-dire que voilà, parce qu'il va sortir là, je dis ça pour ceux qui ont précommander l'album, continue à le précommander hein, d'ailleurs, allez cliquer, allez le prendre NQNT 2. Vous avez quelques heures pour le précommander. Donc n'hésitez pas et dites-nous un petit peu quels sont aussi les morceaux que vous avez entendus cette semaine, vos morceaux préférés. Il y en a aussi d'autres à découvrir hein, qu'on n'a pas encore passé, Vald. Est-ce qu'il y en a en particulier dont tu es très fier sur cet album? Je suis très fier de tout le projet. Je vais avoir du mal à te dire un en particulier que tu voudrais qu'on passe là tout de suite. Non, bah on peut aussi le passer tout de suite, mais un en particulier ou je sais pas, peut-être un morceau qui tient plus à cœur que les autres. Ouais, je crois que c'est Poisson. Poisson est trop particulier. Ah bah c'est... Il y a un truc de voodoo dessus. Ah non, il y a un truc, aussi, ouais. Bonjour aussi, il y a de la sorcellerie. Selfie aussi, c'est très... Mm-hmm. C'est magique. Donc ça, c'est un peu le top 3. Ouais. Mais il y a Urbanisme aussi qui est... Urbanisme, non, sérieux, j'arriverai pas à te dire en sortir un en particulier. Le feat avec AD, voilà, pour la famille. Le feat avec AD. Ouais, voilà, l'esprit familial de l'album, c'est maintenant. C'est ce qu'on disait. Voilà. C'est ce qu'on disait à l'instant. Bon. Qu'est-ce que tu vas sortir? Tiens, on va aussi en parler. Est-ce que toi, tu prévois des choses qui vont arriver prochainement? Ouais, mais vas-y, j'ai pas envie d'en parler, tu sais. vas-y. C'est intime. C'est le Planète Rap de V. C'est intime, c'est ça. C'est, tu... Ouais. C'est pas que c'est intime, c'est que je pense que je vais faire un truc, mais c'est en préparation, quoi. Je prépare. D'accord, donc toi, tu prépares? Je suis dans la cuisine. Très bien. Ça arrive. Oui, j'arrive. C'est plutôt four ou plutôt congélateur? C'est les deux. Je prends un congé, puis je mets au four. Mais tu mets au four, d'accord. Puis je découpe et je bibi. Et ça va pas. Comme le disait un célèbre philosophe. Exactement. Je découpe, je bibi, j'emballe. Oui, j'emballe. Et voilà, puis ça. Au four. Et ça arrive. Ça arrive. Bon, Val, ouais, quel morceau on met alors Mettons le feat avec Succombe Blasadé. Très bien. Allez, vas-y, c'est parti. Allez. Il s'appelle L'Infanticide. L'Infanticide, on l'a passé, c'était quand hier, non? Ah, il me semble bien. C'est ça. Vas-y, on est fou. Ou dans la semaine, en tout cas. Veille de la sortie, on est à 4h, c'est incroyable. Oui. Balance. Allez, c'est parti. NQNT 2, ça arrive. Ne reste pas. Ne reste pas seul dans le bois. Ne reste pas seul dans le bois.

alors. Bah oui, comme il y a le Planète Rap, mais non, vous inquiétez pas. Hélicoptère, ah oui, c'est vrai que... Fred. Le Valcopter à pas louper, qui se posera près du Ninkasi KO. Demain, il y aura aussi le 30 septembre à la Maroquinerie à Paris. Parfaitement, parfaitement. Le premier des autres dates, parle-nous. Tu veux pas le faire? Non, je le fais alors. Non, tu le fais trop bien. Je m'y colle. Le 1er octobre, le Rockstore de Montpellier. Le 10 octobre, au festival Zikametz à Metz. Mm-hmm. Le 16 octobre, au festival de Marne à Ivry. Le 17 octobre, à Montreux en Suisse. Et 31 octobre, au festival Au Les Cœurs de Tulle. Parfaitement. Qui est une très belle région, Tulle, la Corrèze. Oh, j'adore. Je sais pas si tu connais un petit peu. Le Limousin. Est-ce qu'on invite François? On invite Jack. Bah Jack, il est peut-être là-bas déjà. Hein. Jack, il a sa place. Il attend Jack, peut-être. Jack Chirac. À Tulle, la venue. Ah, Val, t'avais même pas compris en fait. Si, si, bien sûr. Parfois, ça va trop loin dans l'équipe aussi, non? Non, non, je comprends parfaitement. Il y a des fois, j'ai pas envie de rigoler avec lui. Hein. Ouais, c'était pas juste pour ça. Ouais. Donc la tournée de Vald, c'est près de chez vous, à pas louper, NQNT2 à découvrir encore ce soir. Qu'est-ce qu'on va passer comme morceau tout à l'heure, Vald? Vas-y, je pense que autant mettre des morceaux un peu plus conventionnels, si on peut dire. Ah, parce que tu considères qu'il y a des morceaux conventionnels, toi? Exactement, j'ai un parfait morceau de rap absolument français qui s'appelle L'Ogre, qui décrit L'Ogre dans toute sa splendeur. Et son machiavélisme. On l'écoutera dans un instant. Donc c'est un morceau pourquoi tu dis plus conventionnel? Bah c'est plus conventionnel, c'est plus conventionnel. On peut pas dire autre chose que c'est plus conventionnel. Pas de synonyme, ça n'existe pas. C'est très rap français quoi. Et puis on fera tourner aussi la roulette là d'ici une petite demi-heure maintenant. Inscription 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone, pour faire tourner la roulette, repartir peut-être avec une PS4, peut-être juste avec le jeu PES 2016. Mais c'est déjà beaucoup. Et les places de ciné Transporteur Héritage. Et non pas une ni deux, mais carrément quatre places à chaque fois. Ce sera dans 30 minutes. Le temps d'écouter un petit son, celui de Dr. Dre sur Skyrock. Et on retrouve Vald juste après. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Vald. Et le morceau de Dr. Dre. Tiens, t'as écouté d'ailleurs, Compton? T'as vu le film aussi ou pas? Incroyable. Non, le film. T'as pas vu NWA? Non. Pas encore, il est sorti ou pas? Bah oui, c'était, oui, c'était la semaine dernière. Semaine dernière, non? Ah, ok, non, ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. C'était le 16, non, on court partout là en même temps, j'ai pas le temps là d'aller aussi. NWA, c'est un groupe qui t'a parlé, toi, ou c'est... Oh, bien sûr, j'ai commencé le rap à cause de ça, quoi. Merci. Merci. Merci. Oui. C'est quoi, avec ce mec-là, on sait jamais en fait. Bah, c'est ouais. Ça, c'est ça qui... Alors là, je peux te dire que c'est faux. Voilà. Je précise qu'il me connaît pas du tout, je sais pas c'est qui lui. Dr. Dre, c'est toute ma jeunesse, voilà. Non, mais peut-être qu'après, voilà, chronique, oui, peut-être. Ah bah, bah, oui. Peut-être qu'après, c'est. Bah non, mais NWA aussi, quoi, je veux dire Ice Cube, c'est mon gars. Ouais. Tu te recherches Google. Sûr ou pas sûr? On a des infos sur le crew là. Ah, je sais pas. Tu veux, ah bah tiens, tu veux qu'on fasse un test NWA? Cite-moi les membres de NWA. Ouais, mais là on a un projet à défendre. NQNT2 dans les bacs là. On n'est pas très loin, ouais. NQNT2 dans les bacs, ça sort demain ou alors ce soir pour ceux qui ont précommandé. Vous allez l'avoir d'un seul coup. Hop, vous endormez, vous réveillez. Hop. Val dans le téléphone ou sur les différentes parfaitement dans votre boîte technique, les nouvelles techniques pour voilà. Recevoir les albums. Voilà. Peut-être dans ta boîte mail. NQNT2. Qu'est-ce qu'on te transmet comme info là, je vois. La réponse à la question. À la réponse, il y avait Easy E et tout Easy, ça. Ouais. Ice Cube, Dr. Dre, Ice Cube, DJ après. Yella, MC Ren. Bang, bang, bang, bang. Oh, t'es trop chaud, gros. Allez, les gens, tu vois les mecs qui sont chauds ou pas? Il a gagné une PS4 ou quoi? Ouais, nous la PS4. Maintenant, Mercus, tu vas nous citer les membres dans Sniper. Alors, Aketo, Blaco, Tunisiano et DJ Bouge que en membre historique. T'as le mec, quelqu'un peut faire un test avec Mercus proposer Non. Ça y précise. Ah, les manques de mes Viril, Shendog et Mugs. Ah, le mec est chaud. Wu-Tang. Tu veux la formation de base? La formation de base, évidemment. Alors, Ghostface, Method Man, Raekwon. Non, Raekwon. Ouais, attends. Ghostface, Method Man, Raekwon, Old Dirty Bastard, Jeza, Reza, Mastakila. Est-ce qu'on a que ça? Et Yuga. NQNT2 dans ses fiches. Oh là là, les mecs sont chauds. Non, il est chaud. Il est chaud. Il est très, très, très, très chaud. Bien, là, franchement. Métier, non, mais je vois que tu es bien entouré, en tout cas, Val. Parfaitement. Des gens qui peuvent revenir sur l'historique du rap, de faire écouter parfois des morceaux. Je m'appuie sur eux, ils connaissent tout. T'es tranquille. Voilà. En fait, là, c'est vraiment, t'es sur une voie, là, c'est. Exactement. Pas besoin d'utiliser sa mémoire, d'où le morceau. Poisson. Ah, parce que vous voulez qu'on remette poisson? Se relie quoi. Vous voulez qu'on mette poisson dans un instant ou non? Qu'est-ce qu'on avait dit? Mets ton logre. Ouais, parce qu'on passe du poisson à l'ogre. Donc, ne bougez pas dans un instant sur Skyrock. On revient avec Vald, notre invité. Il y aura aussi du live, vous en freestyle par téléphone. La roulette qui va tourner juste après ça. 20h, 21h, Planète Rap Vald. Planète Rap. Planète Rap. Skyrock. Planète Rap spécial Vald et le morceau qui s'appelle L'Ogre, maintenant à découvrir en exclu ce morceau. Dédicace à Lino. Ça sort demain, NQNT 2. Parfaitement. Les enfers vont se laisser aller, certains vont se blesser, espérer quelques emplettes juste avant leur décès. Ce soir certains vont prier pour qu'il y ait plus de billets sous leurs baisers, et même crier haut et fort en être indigné. Ce soir les cieux font pitié, ce soir des yeux vont plisser avec la drogue pour seul complice. Et même si c'est compliqué, ce soir des dildos feront bis comme vomissent les ivrognes. Ce soir l'or nous hypnotise, il se peut que la mort en profite. L'ogre ploie sous l'ironie, l'ogre ploie sous l'ironie. J'entends son fou rire au loin. Ce soir est un soir hostile, ce soir est comme les autres soirs noirs, sous nos lueurs d'espoir, de voir un jour la joie dans les regards de l'autre en face. Baisse le son quand on passe, les gendarmes pensent aux os en place. Pense aux faux semblants, tu te comportes comme tes faux semblables. Faudrait qu'on en parle ce soir, faudrait qu'on se rencarde. Faudrait qu'on se rende compte qu'on se passerait de faire un tour en jarre. Moi je vous en parle, mais je vous en prie, surtout sous emprise. Surtout je vous en prie, ne me parlez pas de lendemain. Ce soir est plein d'entrain, ce soir t'éclates enfin. Soir, ce t'es plein d'envie. Ce soir départ en ski, t'es y'aura pas de départ au ski. Non. Ce soir des gars au gris et la vie ne reste pas figée bien longtemps. Y a-t-il pire martyr que la vie et perdre son temps? Ouais. Ce soir des gars au gris. Ce soir des gars au gris et la vie ne reste pas figée bien longtemps. Y a-t-il pire martyr que la vie et perdre son temps? Ouais. Ce soir est assez froid pour être le prochain scénario d'un Far West. Phare à paupières et asphalte pour tabouret. Ce soir ne va pas jouer, ce soir ne va pas tourner autour du pot. Ce soir va ta journée du con, le soir c'est ma journée. Du coup, t'es agenouillé souvent. L'ogre ploie sous l'ironie et le poids de son ventre comprend que c'est le précipice. Que ce soir est décisif, que ceux que t'apprécies flippent de te courir après. C'est le film de nos soirées, bande d'enfoirés. Y'a des chants dans le besoin qu'on entend archialer dès qu'on n'entend jamais. Quand je rentre, je la ferme, je prends le temps de barrer bleu. Sérieux, pareil que soir, tous les alentours sont gris. Que les bras t'ont tombé puis que certains rêves ont pris la fuite. J'entends parfois dire que le soir en fou c'est pire. Ce soir un enfant suicide, ce soir un enfant sniff de l'insecticide. Parce que c'est la merde ici, du moins c'est ce qu'il dit avant de rire. L'ogre ne sait pas s'attendrir, l'ogre ne sait pas attendre. Ce soir fou droit ta franchine. Ce soir je crois que je vais pas sortir. Poto je vais pas te mentir. Ce soir je garde mon fils l'apprenti. Ce soir des gars au gris et la vie ne reste pas figée bien longtemps. Y a-t-il pire martyr que la vie et perdre son temps? Ouais. Ce soir des gars au gris. Ce soir des gars au gris et la vie ne reste pas figée bien longtemps. Y a-t-il pire martyr que la vie et perdre son temps? Ouais. Le morceau s'appelle donc Ogre, l'ogre. L'ogre. L'ogre qui ploie sous l'ironie. Ah oui, c'est toi. C'est moi, c'est toujours c'est lui. Toi. C'est toujours toi. Killarsen, hein, c'est Killarsen. Pas moi l'ogre. Hein, ouais, non. Non. NQNT2, numéro 10 du top iTunes, c'est génial. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Hein. Vous êtes bon, vous êtes bon. Les gens soutiennent. C'est incroyable. Les gens ont envie de Vald. La vie est belle. C'est beau, non? Ma foi, oui. À quelques heures de la sortie, pour ceux qui le précommandent dès maintenant, vous l'aurez cette nuit. Un moment où vous verrez affiché Vald. À mort. Minuit, une heure, je ne sais pas. Même sur les plateformes, je crois, les Spotify. Est-ce que tu t'es toi-même téléchargé guerre, d'ailleurs? Est-ce que tu t'es toi-même précommandé Vald? Non, je ne suis pas aussi. Narcissique. Voilà. Narcissique? Voilà, voilà. Et puis de toute façon, j'ai le master, donc j'en ai rien à foutre. C'est vrai que c'est pratique. Et voilà. Bon, il y a des gens déjà qui ont récupéré l'album, donc on les salue aussi. Ouais, de l'amour à vous, envoyer des photos, engrainer tout le monde à comprendre que c'est déjà dans les bacs. Le hashtag c'est Vald sur Skyrock, vous envoyez tous vos messages à Vald ce soir dans l'émission. Dans quelques minutes, il y aura live et par téléphone, on est avec Kéfir de Saint-Etienne. Salut Kéfir. Yo, ça va? Ah, Kéfir, mon sacré Kéfir. Ça va ou quoi? Ça va okay. Et toi? Nabil Kéfir? Ça va, nickel. C'est ça presque. T'as la jambe cassée? Lui, il est stéphanois. Ah, d'accord. Mmh. Ok. Okay. Désolé. Kéfir, ouais. Est-ce que tu connais Vald? Oui, bien sûr, je connais. J'ai découvert, moi, je l'ai découvert avec son, je l'ai découvert avec son projet en fait, NQNT, le premier. Et d'ailleurs, un son que j'écoute en boucle encore, c'est pour, parce que vraiment, ça me parle. T'es bon, c'est bien ça. T'es bon, mec, sur une prod de Succombe Lazadé. Ouais. T'as fait. Ça me parle vraiment, et c'est vraiment un bon son. Mmh. J'aime bien les sons comme ça où ça rappe tout le long et sur une prod. Bien à l'ancienne, enfin ce que j'aime quoi, ce que j'aime, le rap que j'aime. Et comment c'est un EP ou un album, parce que c'est tu vends ça comme un EP, mais il y a 14 titres, donc oui, je pense. Non mais c'est vrai que c'est compliqué entre les mixtapes, les albums, les EP, les machins. Les lost tapes. C'est des histoires de papier en fait. C'est un super projet musical qui contient Donc voilà, c'est quoi? C'est un projet, voilà. Ouais, c'est un projet. Projet. On s'en fout en fait des appellations. Yes, et tu et d'ailleurs je suis pas du tout étonné de la connexion entre Vald et Al Capote, parce que je sens vraiment qu'il y a une influence Al Capote dans les, tu sais, le fait d'être cru, le placement des rimes aussi parfois, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Excusez-moi, il y a un truc qui est sorti d'un seul coup. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est le fantôme d'Al Capote qui veut traîner dans les studios. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui m'a envahi. J'ai eu envie de dire pute. Mais trois fois de suite. Enfin, je sais. Donc toutes mes excuses. Relax, Max. Je tiens à saluer le CSA. J'ai dérapé. Je m'en excuse totalement. Je sais pas. J'étais envahi par un moment. Si pour ceux t'as régalé dans NQNT1, tu vas te régaler comme jamais en achetant NQNT2. C'est vrai. Bah, c'est de toute façon, j'y manquerai pas. Hein, t'inquiète pas. Et c'est vraiment parce que il y a toute une. Toi, t'es plus jeune que moi, donc il y a une toute une génération de rappeurs que j'aime bien. Bah, par exemple, toi, je pense ton entourage, tu vois, Giorgio, compagnie, toute la. Al Capote, il est plus vieux, mais bon, Al Capote, c'est bon. Il y a enfin tout ça, je kiffe grave et je vais pas y manquer. Lourd. Et bah, très lourd le freestyle, c'était le plus Kéfir. Gros freestyle. C'était un gros freestyle de Kéfir, bravo pour énorme le freestyle. 16. Tu étais bon Kéfir comme d'hab, allez on t'écoute, c'est parti. Yo, ok, Kéfir. Nice, I can, yo. J'essaye d'emmener l'auditeur au-delà de ce que mes mots illustrent. Planer son thorax m'imposer. Nautilus émerge des profondeurs invisibles pour vos sonars. Un parasite en visite, nuisible bloqué sur Solar. Voici ma carte de visite, toujours risqué sous. Voici ma carte de visite, toujours inscrit sur le beat, yo. Je lave des DRX conscients, KFY qui arrive ici, yo. Tout mon sac, j'ai pas déballé, ce son est à pas décalé. Fallait pas me demander taille et bras et croyant que j'allais pas les galer. Envoie le beat crasse que je puisse l'étaler, mettre une tannée, stanée. Celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es à mandalire. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites, mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Boulimique, le seul jour où t'étais chaud, c'est quand t'avais ta fièvre. T'enflamme pas, si on dit que t'es le roi, c'est que t'as chopé la fève. Tu penses nous adouber, tu ne manques pas de toupé. Voici mon couplet, coup d'épée pour tout péter, personne peut me doubler. Mais où t'étais quand t'écoutais, tout est pété. Tu me redoutais, doutais sur level, ton coup dégoûté. Voulais tous me shooter. Flashback sur ma life, je rappe depuis l'âge ingrat. Et à cette époque, y'avait inscrit hip-hop dans mon agenda. Je me souviens des postas, quand Yo Bombay Gerta exprime sur les murs l'artiste qui sommeille en toi. Artiste, graffiti, hip-hop, solidarity, peace, unity, love et notre philosophie. Esprit conscient, exigé que notre âme soit plus négligée. Pour que le wack reste figé, qu'on puisse enfin sous-émerger les vraies valeurs. MC, reste dîner concis, un flow construit, pas de mensonge dans tes récits, yo. KFYR en direct de Skyrock, pour VLAD, pour VALD. KFYR, faut pas trop m'aider. Je dédicace aussi à tous ceux qui fouettent la hide. KFYR arrive ici, c'est pas un caïd. Je dédicace à Skyrock, Fab et tout, Bon, Kéfir, hein. Il est fort, Kéfir. Il est fort et très fort aussi. Très bon choix. Très, tout le monde a fait la coupole dans le studio. Un bon son de Nas à l'instant sur. Pour le moment, le meilleur de la semaine, on peut le dire. On peut le dire. Mais il faut attendre demain. Pour le moment, j'ai dit. Pour le moment. Alors, le hola sur le VLAD, par contre. Oui, il y a eu. Oui, là, c'est une petite. VALD. Merci à toi, en tout cas, Kéfir. Je suis dyslexique, c'est pour ça. C'est des choses qui arrivent. C'est bon. Kéfir, balance tout, comme d'hab, les adresses où on peut te retrouver, vas-y. Moi, c'est KEFYR sur Facebook, KEFYR. Voilà, et sur YouTube aussi, c'est KEFYR. N'hésitez pas, venez, je vous inviterai à. Non, je vous invite pas. Si. Oui, c'est dangereux en même temps, les invitations, méfie-toi. C'est trop cher, ouais. A plus, mon pote Kéfir. A plus, bon, mais... et merci. Vald, vraiment, c'est sincère ce que je te dis. J'ai vraiment, vraiment kiffé. Vraiment. Bon, mec, c'est merde. Et j'ai bien aimé aussi, juste selfie avec l'actrice de dessin animé. Nikita uh-huh. Ah non, bah... de dessin animé. Oui, de Nikita. j'adore. Je suis d'accord avec toi, moi aussi, j'adore, mec. J'aime bien le morceau, rien que le morceau, parce qu'il y a tellement une dichotomie entre le refrain et les couplets, ça tue. Tout pour la dichotomie, mec. Je croyais que c'était épileptique, dyslexe. Ouais. Mais il nous a sorti en tout cas, attends, on apprend beaucoup de vocabulaire dans Planète Rap, hein, franchement. Ça, c'est lourd. C'est très lourd. Merci à toi, Kéfir. Pas de soucis, merci à vous. Bonne soirée, ciao. Ciao, tiens, Kéfir, t'es trop fort, c'est les messages qui arrivent au 41759, le hashtag Vald sur Skyrock. Avant de passer au live, Vald, qu'est-ce qu'on avait dit? Poisson, un petit coup de poisson? Non, tu sais quoi, viens, là, on est dans une vague de rap comme ça, viens, on se fait plaisir, on se met un petit coup de taga. On se fait plaisir, voilà. Enfin, tu balances un peu des morceaux. Ah ouais, c'est ça, j'ai bloqué, mais là, ça sort, allez, c'est parti. Allez, c'est pas trop tôt, hein. Balance-nous taga, mec. Du taga sur toute la France. Allez, Vald, c'est extrait d'NQNT2 et ça sort demain ou tout à l'heure pour ceux qui ont déjà précommandé l'album. Vous l'aurez. J'ai du taga pour mon anniv. NQNQNT2. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Je veux du taga pour mon anniv. NQNT2. On est back. Je veux du taga pour mon anniv. Ta gueule quand on arrive et laisse ta place à mes cerveaux. Oh. Je veux dégueuler dans tes ballerines. Maman, papa, parti, fais qu'on mélange taga Bacardi. Ce soir, je suis pas papa, je suis là, celui qui partagera pas vite. Fuis-moi comme la paresse ou suce-moi quand j'apparais. Petits yeux sur l'appareil, je veux pas rapper. C'est pas la peine de me dire que c'est moi la graine. Là, c'est que moi et moi vouloir que spliff de caramel. Je piche que t'as la haine. La ramène pas des masses ou ta pétasse. Va ramer sous le beat de VAL. T'es comme défoncé, je dégomme l'énoncé. Check tes gays comme qui on sait. Mais je veux des nichons de Beyoncé. T'es avant le Beyoncé, du chichon, j'ai jonté. Dire qu'on se fiance au splifton. J'aime pas les amours à distance. Nique ton père et sa petite conce. Puisqu'on parle de cas. Je veux rap de sa peau, pas de caporal, que du H de salopard. Que je me barre du caveau, je carbure à l'otard. Je suis déjà plat le truc à mort. Que des sales putes à bord, je fracture à mort. J'ai mon bac plus alors, je tape sur le cas vu la morale. Yo, je capture la force, battu la drogue dans ses actes, tu atroces. Allez, cap sur la mort, et j'aime les petits gens, les grosses têtes. Et puis vomira, radeur dans l'anonymat. Déjà mort, mais je continue à taper, reniant mes obsèques. Ou bien je fais du bobsleigh. Quand faut je mets des cornflex en côte. Même parfois dans des cornets entre autres. Je rentre au horreur en trôme. Avec l'odeur de chômeur blanc. Y'en c'est trop cher l'encombe. Ah mais c'est pas un truc de chat ça. Si tu fumais moins tu ferais de la salsa. Avec moi ça l'égoïste de rap tag. Casse toi je t'achèterai pas de com. Je veux un papa pour mon anib. Papa pour mon anib. Je veux un papa pour mon anib. Hey. Je veux pas de maquine touch, ni 4000 le surf. Juste v'là le trip de gauche là, v'là le trip de gauche là, v'là le trip de gauche là, v'là le trip de gauche là, v'là le trip de gauche là, v'là le trip de gauche là, v'là le trip de gauche là, v'là le trip de gauche. Je veux du taga pour mon anime. Ta gueule quand on arrive et laisse ta place à mes cerveaux. Je veux du taga pour mon anime. Ta gueule quand on arrive et laisse ta place à mes cerveaux. Je veux du taga pour mon anime. Ta gueule quand on arrive et laisse ta place à mes cerveaux. Je veux du taga pour mon anime. Dolor à la putain de prod. Ce morceau tombe très bien. Je souhaite un très bon anniversaire à mon papa. Je t'aime très fort. Même si je te le dis pas assez, mais tu le sais. Ça pour une bonne surprise. Quel moment de confession sur la fin de ce morceau. Fallait que je l'appelle, j'ai oublié donc j'en ai. C'est gratos en même temps là en plus. Mais je vais le rappeler après. J'espère bien. Bah oui. Chiche. Le morceau s'appelle Taga, vous le retrouvez sur NQNT2. Val, notre invité entre 20 et 21. Val, est-ce que tu es prêt maintenant? Pour faire un petit live là? Bah même un gros live j'ai envie de dire. Allez c'est parti, soyons fous. Soyons fous, soyons DJ Widim est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. DJ Widim. Hey. Montons les prods. DJ Weedo. Putain. NQNT2. Tous les jours c'est Halloween, je suis Myers et je suis frangeux. Si ta grande gueule parle au fils, que tu vas finir baroclé. Tori, c'est je suis gentil, oui, cordial et puis courtois. J'ai la panoplie, je dors pas, je sais pourquoi, c'est que je n'ai pas vos filles. Non, je peux pas me toucher toute la journée, j'entends le glou, c'est ta clique. Je mets ton corps dans de l'acide et puis j'observe mousse c'est ta vie. Tu peux douter ma biche, tout n'est que magie. Sauf les patites, je secoue les platines mouillées, puis je fourre tes papilles, tout est gratis. C'est le retour du boogie boogie de la rime, comme si j'étais déjà parti. Je vous dis, je bousille tous ces malignes de conduite. Je reviens comme Choumi sur les chats, Baudrou sur les champs, dans les chats soumis et les chats pourris télécharges. Je vous dis, j'ai des charges horribles et c'est pas que j'oublie, mais des fois je souris comme Ray Charles. Je savais pas qu'à chaque cachet y'avait la moitié pour l'état. Putain, je suis busy sur un frisbee dans une piscine, j'ai de la bibinbi, bibibibibi. Ce que je poursuis n'est pas trivial, c'est le retour de jeu de mots pourris pour les roues qui se croyant doux et sous-weed. Bande de pédés, vous êtes mou et mon type doux et docile. La vraie, la mort, la vie l'attend, rendant la vie la morphe pendant que les pires rappeurs rappent leur vie d'avant. Trace de coke ou arme au poing, aucun rate le wagon, mais aucun parle de pardon. Pourtant, c'est trop facile à vendre, bande de cons, vous êtes tous jeunes, agonisant doucement et alcoolisés, et ça passe tout seul. Et pendant que tous branlent, le vent souffle sur vos bougies sans bouger. Certains viennent des groupies quand d'autres se changent, et d'autres se mensent. Qui nous blesse, qui bouleverse le sens et qui verse le sang qui goûtait d'une bouteille de jambes au milieu d'une paire de jambes. Comment se fait-il que tout cesse de jouir, mon fer de lance? C'est ma tête de gland. Oui, je suis l'idiot qui arrête le cancre et lui perce le flanc. Je suis la personne manquante de ce merdier. De toute façon, les premiers partent en dernier. Merde, ta gueule baisse, ta go, allez, allez, meurs, stado, allez, lave ton cœur sale. Ne baisse pas ton ben, ça comme tous les rotibeurs, Mayo. La concurrence est affamée, mais celui qui n'oublie pas d'en fumer, Sylvester Stallone. Promis, j'ai ravagé ta face, promis, je vais pas rater ta chatte, c'est blas sympa. Je lâche un pas, je lâche une tête à claque. Si t'es pas track, c'est pas grave. Joey sort les pipes à crack. Si t'as pas de CV, oublie. Retiens que si ça claque, CV. Bout de chair humaine, tout part éparpillé. J'parpillé, c'est pour tous mes branleurs qui finissent la paume égratignée. J't'ai grâce cette pétasse qui est sapée classe. Et d'après moi, c'est impeccable. Et croise les doigts, j'écrase les crânes des saletés qui font zapper, zapper. Hein, j'pénètre des tubes cathodiques avec un pur barconique. Comme ça, j'baisse tout le monde, pas que les putes laconiques. Et même les plus catholiques m'écoutent. Puisse ma colique s'échouer sur l'état promis par colis piégé. Confidence pour confidence, j'vois que des zombies dansent. Et confidence ou en freelance, mes confidences sont confiance, mes confines l'entrée. J'arrive en me tortillant. Si on se détruit la vie comme des tocs, c'est pour être sûr d'être encore vivant. NQNT2, NQNT2, NQNT2. NQNT2, qu'est-ce que c'est que ça? NQNT2, yo, NQNT2, DJ Je chante la mort des anges. Oui, je sais que c'est dangereux. Je rigolais étant jeune. Je picolais devant Dieu. Et pistolier mes glandeurs. Je frissonnais des glandes quand je voyais que l'industrie bricolait toute une clique de vendus. La grandeur de la France. J'évite piger la censure. J'évite de prendre l'ascenseur. J'ai peur des gens de au-dessus. Je méprise ces imposteurs. J'ai pris toutes les postures. Comme la plupart des mecs qui taffent, taffent, taffent, taffe, boss dur. Alors, du coup, le boss tu. Ceux qui sont au bord du gouffre, ceux qui portent une poutre même en costume. Aïe, aïe, et puis, tu veux que ton gosse. Mine pas qu'il dégringole. Oui, tu vas finir par le fuir parce qu'il n'est qu'un pas. J'arrive tel un glock que je dis ce que j'ai dans la glock que je mis. Stifie tes apôtres vite. La reine prend la porte, je porte la reine dans ma poche. Les gladiateurs sont dans ma paume. La politique en perd ses mots et ce qu'on a dans gobe sa pomme. Bang, on m'a pris comme un PD au temps de l'apartheid. Si bien que des fois je me rappelle même plus que mes couilles m'appartiennent. Casse la tienne, je casse la démarche devant la race aryenne. Y'a qu'à la télé, qu'à les framines qui ne se prend pas la tête. Hemingway, Hemingway, House. À Eminem, si le game il paye up. C'est de mon Vaucer que jaillit le spectacle. Même si j'ai le même niveau qu'un sec, pas tous les génies même. Hemingway, Hemingway, House. Suis con. Manda Eminem, si le game il paye up. Suis con. C'est de mon Vaucer que jaillit le spectacle. Même si j'ai le même niveau qu'un sec, pas tous les génies même. La nuit je tiens pas sans briquet. La chaîne tient dans son briquet. Sur ma vie qui les a briefés. Faut le bif faire la fausse abriter. Vite la fausse abriter. Jeez. Décapité le biz. Quand le capitaine jouit, faut pas rappliquer. J'dis que slap le rana. Et j'dis que ça ne vaudra pas tout le fric qu'on ramasserait sans flic au panorama. Mais j'ai la cape. Des capacités de rapace et mes agapes sont des catadés. Bastos, tes seuls morceaux sont des caplas. C'est fastoche de se faire abattre pour du tagacé. Peu marrant d'être agacé. T'as kazouké, mes tagadas sous le nez. Que dis-je, les chamallows en chamaille au jean pour une Camaro. Pire pour un string venu de Saint-Malo. C'est ça nos vies, je trouve ça flamant rose. Je veux un flamant rose en paille et quand je serai à l'hospice. C'est juste pour ça que je veux t'emmailler. J'en baille sans baïonnette. C'est comme mouiller sans maillot, c'est malhonnête. Les bails on prend comme la mayonnaise. J'y vague, v'là le vague à l'âme. Val de Val à bas, me disait ton petit. J'étais déjà pas bavard, mais Val n'a pas le que nenni. C'est bon, dis-moi où sont les bars tabac pureux. Tourne baiser des traves comme Matt McNam. NQNT2 dans le C, maudit bac. Celui qu'on blase à D, V, A, L, D. Planète Cus mère. Des putes et des putes. Hey, il s'agit que de ça. T'enchaînes les vers sans t'es limité. Tu comprends rien car t'es limité. Street libre, budget limité. Tu suces ou tu fais qu'imiter. Tu restes entière quand tu te fais limer. C'est l'idée mais la vérité. T'adores le rap, tu connais Minimen. Menis Gag de Miniguerre, c'est d'être me surnomme Eminem. C'est débile, j'ai pas le pédigré. Je suis en Teddy Wesh, les gardés du clip. Shoot un ministre. Que des bouses infinies. Tout pour la playlist, tout des pénis. Vous faites la guerre mais vous êtes plein d'affinité. Je veux plus rien entendre. Tu fais pas de bise quand tu fais l'aumône. Lèche pas de bite pour les phéromones. Wesh mamie, t'as les fers en l'air. J'paye la 10 sans dire un mot. Jack, j'paye le grec au prix du homard. La nuit, t'es me transforme en pyromane. Ressens ma flamme étincelée en toi. Je ne sais que dalle, je nie en balle. Dans sa chatte, je m'y engage. Dans la place que tu dis en dash, je vous chie dessus. Je vous le dis en face. Je vous chie dessus et je vous le dis en face. NQNT, NQN, le temps passe et n'attends pas. T'es plus proche du trépas que tu ne le penses. Si tu danses avec le diable, peut-être que Dieu te fera une demande. Justement, le pacte t'es signé à ta naissance. Et tu verras que l'humanité dans ton âme se glissera. Juste le gland, juste le gland, oui. Juste le gland, mais les keufs mettront plus de doigts. Si t'es vraiment confit, sache qu'ils le sont plus que toi. Plus de loi, plus de taille. Plus de tard et plus de loi. Bienvenue dans un monde où toutes les putes se croisent. Mais t'en as rien à foutre, la vérité c'est ça. Tout se résume. M'a débité des chats, t'as débité des cartes de crédit. Tu rêves de strass et de paillettes, tu vas sniffer des draps et fumer des spliffs. Tu diras que tu niques des tas, mais c'est lui qui te biffle. Oui, demande à Wikileaks et tu trouveras malin de porter des armes pour venger tes amis. Tes amis, c'est qui, c'est quoi? Ceux qui te balancent des bises et toi? Ou bien ceux qui aiguisent les lames quand s'agitent les flammes de la fin de la partie. Les enfants de la patrie sont partis, tu les trouveras sur Google. En attendant le diable gambade dans le noir et toi, t'es tout seul. Père Noël vend de la dope et fait un manque cadeau. Gros, c'est bien marrant, y'a tes parents, mais des amants, sadomaso, des Amazones. V'là la dose de conneries sur Amazon, des gars paro. J'apparais à torpiller ta daronne, c'est moins marrant. Pour Golerie, faut qu'un mec organise des gangbang. Let's go, ça tire sur une paire de fesses. Bang, dissimule. Qu'est-ce que tu dissimules? Qu'est-ce que tes yeux fusillent quand ton espérance diminue? Après chaque minute, certains gaspillent plus, même exploitent chaque fissure. T'éclates la figure pour tes gratabitures. T'es sap ta ficelle, faut des aptitudes. Pour assurer ta sécu, sinon des Lannister. Pour être cassé le cul, de manière assidue, y'a que trois issues. Plus de fragile pute à Paris plage, j'ai des amis plus là. Quand tu vois le marécage, nique ma race si tu veux, mais là je récapitule. Y'a des gars plutôt décapités, des capitaux, la capitale et des particules. Ah bah mince alors, si t'es seul, prends tes jambes à ton cou. Ne reste pas dans le bois, des sans-papiers pour y vendre ton boule. Et puis fais des grands pas dans l'escalier, n'y traîne pas beaucoup. Tous les démons sont sous des mensonges, tous les démons sont chou. Tous les démons sont chou, tous les démons sont chou. Les démons, NQNT, que dans les bacs. Si NQNT 2 heures. Bang bang bang. C'est la fiesta. Ah, ça s'arrête comme ça encore là. Gra. T'as l'air déçu. Non mais vous faites chier les mecs. Fred semble déçu. Bah oui, il veut que ça continue toute la nuit. Bah j'ai envie que ça continue. Attends, on est bien, il y a des gens qui dansent. Enfin, c'est... Bah oui, mais bon. Il y a des gogo dancers. Ils sont un peu fous ceux-là. Dans le studio avec toi Val, tu es venu avec toute une équipe. La souillance en France. Le Souille Gang et le crew de blanc qui bouge le mieux. Voilà, c'est je peux te dire que tous les soirs on étudie les moves ensemble. On est là, on se dit comment faire. Et ah mais moi j'ai étudié parce que la vidéo d'hier soir on l'a mise aussi en ligne hein, sur skyrock.fm. J'ai passé ma nuit à regarder. J'essaie de pomper 2-3 trucs de danse là. Les mecs sont très très chauds. Ils sont désarticulés. Je veux dire, voilà quoi, c'est la nouvelle sensation. Voilà quoi. En plus, ils sont cloutés donc. Ouais, faut mieux se méfier quoi. Ouais. Ils ont les cheveux verts, ils ont les cheveux blancs. Ils ont les cheveux bleus. C'est même plus d'ailleurs. C'est Bioman. C'est du bleu. C'est du NQNT photo. NQNT 2. Si, d'ailleurs.

sais me faire violer, mais je sais que c'est toi, ça veut dire que c'est pas vraiment du. Et on fait des selfies, en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie, et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y'a des gens autour. Mais on fait des selfies, en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie, et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand il y a des gens autour. Quel morceau à l'instant de Val, selfie. Et encore, je suis sûr qu'on ne perçoit pas la portée de ce morceau. Mais non, c'est plus profond que c'est plus complexe. Je pense qu'il faudra combien d'années? Plusieurs. C'est tout au fond, pardon. Plusieurs. Pour bien analyser les paroles et ce morceau de selfie. Plusieurs jours, il faut plusieurs clips. C'est pour ça qu'on en a fait trois pour bien intégrer le message, quoi. Voilà. Selfie à l'instant, extrait de NQNT 2, ça sort allez ce soir. Allez le précommander maintenant, vous l'aurez tout à l'heure là. Dans la soirée, vous l'aurez parfaitement. Minuit, 1h du mat. Voilà, voilà. Tout dépend du créneau. Et pour ceux qui cherchent des liens de téléchargement, on a des hackers nous aussi qui niquent les liens. Attention les mecs. Hein. Donc voilà. Alors, bah, par exemple, si on va sur les moteurs de recherche Vald, full album, full EP, ouais, ouais, full machin. Vous allez avoir des sacrées surprises. Des sacrées surprises. Donc ne faites pas ça. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transporteur héritage. Salut Soufiane. Ouais, salut Fred, ça de va. De Bordeaux, quoi, ça va bien, on est avec Vald cette semaine, tu l'entends en pleine forme. Vald, comment ça va? Tranquille. Vald, concentre-toi deux secondes, il y a Soufiane qui te parle, il demande comment tu vas, s'il y a un problème, si. Tiens. Soufiane, vas-y Vald, il t'écoute. Fiatsou, comment vas-tu? Non, Soufiane. Ça Soufiane, va, Fiatsou. Fiatsou, tranquille. Tranquille et toi, comment ça va? Mort, mec, je suis tellement content, ça sort ce soir. Je suis comme un dingue. Ouais, ouais, il est comme t'inquiète un dingue. T'inquiète pas, on va checker ça. T'es lourd, mec, check. Oui, ton t'es, je vais t'envoyer les liens de téléchargement illégaux. C'est assez sympa de trouver. Donc, t'es prêt à faire tourner la roulette? On y va, c'est parti? Vas-y, c'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter, Soufiane, sur la case, c'est. Les places de ciné transporteur héritage, il y en a 4 et le jeu PES 2016 qui arrive à la maison, c'est pour toi Soufiane. Ah, ça fait plaisir mon gars, merci beaucoup. Eh bah, profite bien, bonne soirée, ça merci Soufiane. Je vais passer une dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Vas-y, dédicace à Walid, Florian, Abdel, Farouk et à ma copine qui est en train de m'écouter et Aïd Moubarak à tous. Eh bah, Aïd Moubarak à tout le monde en tout cas, merci à toi Soufiane. Merci mon gars. Ciao, passe une bonne soirée. Vald, Aïd Moubarak à toi aussi. Merci. Qui va aller maintenant fêter ça avec un mouton qui est prêt pour toi d'ailleurs. Je vais au kebab. Et bah bon kebab, merci. Demain tu reviens. Exactement. Peut-être des surprises pour la dernière demain. Ma foi. Est-ce qu'on peut le dire? Non. Est-ce qu'on joue non, la, non, la non. Joue FBI? Qu'est-ce qu'on fait? On peut donner un indice. On peut donner un indice. Ah ouais. C'est IA. C'est quelqu'un. DGSE. C'est quelqu'un de très musclé. De très dur. Ah ma biloute. Oula. C'est un bon indice, ma biloute. Oula. Ma biloute. Et Danny Boone. Ah, Danny Boone. Il sera là demain. Danny Boone. 21. Pour un freestyle d'orthologie. Merci en tout cas, Mercus. Merci à Dé qui était là. Merci, merci à Widim. Et évidemment, merci à Vald qui et était au là. Et au Sweet Gang. Merci à vous. Merci à on vous. Rappelle que la sortie, c'est maintenant. On peut y aller. C'est on maintenant, peut, c'est on ce soir. Ça on va peut aller cliquer. Ça y est, on aura demain NQNT 2. Et demain, on attend vos réactions sur l'album, si vous l'avez récupéré l'album ou la mixtape ou ce que vous voulez, le EP, le machin. Débrouille le toi. Projet. Ou le double album, car ouais. En physique, rejoignez-nous sur les réseaux collector. Sociaux VALD. Tu n'as pas parlé de l'édition collector. Si, ah, si, c'est si, vrai. Si, j'en ai... Et qu'est-ce qu'il y a dans l'édition collector alors? Alors, dans l'édition collector, il y a NQNT 1, NQNT 2, il y en a très peu répartis dans toute la France, mais il y a des coffrets comme ça qui traînent. Mettez-vous bien. Ah ouais, c'est on n'a pas fait les choses à moitié. C'est Noël avant l'heure. Tu dis euro. Tu dis euro. Bon, merci à vous. En tout cas, on va retrouver D-Fool maintenant et toute l'équipe sur Skyrock. C'est la radio libre. Chiche. Et oui, on est là. Salut Fredo, salut Val. Ça va? Salut tout le monde. Salut, salut. Donc demain, il y a Danny Boone dans l'émission. Voilà. Il fera un freestyle. Ma biloute. Très bien. Donc c'est bien noté. Alors, bah, demain, c'est à pas louper. Ah. Ouais, Romano le fait bien en fait. Il le fait mieux, oui, c'est vrai. Donc ce soir. C'est chaud à la nuit. Ce soir, c'était chaud, mais alors demain, attention. C'est chaud, patate. Ah ouais, demain. Sortie de l'album plus Planète Rap 20h-21h. Grosse journée pour toi Vald. Et oui, on attend ça avec impatience. On sera là 20h-21h. C'est quoi ce petit sur Skyrock? J'étais occupé, c'est-à-dire que t'as un petit sensuel. Parce que Vald il est sensuel ce soir. C'était un truc quand même hyper sexe. C'était la ligne jaune là, qu'on allait passer. Charis il fait ça, on lui dit pas ça, ok. Merde. Nekfeu le fait aussi d'ailleurs. Tiens, on va l'écouter Nekfeu. T'as vu la transition et tout. Eh bien, Nekfeu pour démarrer la soirée sur Skyrock. C'est parti sur Sky avec la radio libre et vous tous en direct jusqu'à minuit. Bon ben, Val, on te retrouve demain. Allez, vas-y, on se retrouve demain. Allez, demain 20h-21h, juste avant la radio libre. Planète Rap. À très vite et à tout de suite. Et on arrive avec Nekfeu avec vous en direct jusqu'à minuit. Allez-y, profitez-en, radio libre. C'est parti. Allez, dans deux minutes. Ciao. Tu l'as découvert dans l'émission rap de référence sur Skyrock.